Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ala alihi ve sahbihi ve men ittebe'a huda, thumma amma ba'd. Donc, dans ce document, où nous lisons, dans Al-Bayan Al-Fawri, un écrit du noble cheikh Arafat Al-Muhammadi, hafidhahullah ta'ala, en réfutation du dénommé Abu Abdurrahman Yahya ben Ali Al-Hajouri, donc nous passons maintenant au deuxième fondement. Al-Hajouri dit, hein, il dit comme c'est dans Ar-Radd ala Jahalat Zu'abi, qui est sur son site, cet écrit qui est Ar-Radd ala Jahalat Zu'abi, et qui est sur le site de Al-Hajouri. Voilà une citation qu'il dit. Il dit, Al-Wahyu min Rabbil Alamin, fa minhu al-Qur'an, wa kulluhu wahy. ومنه السنة ومعظمها وحي. Il a dit que la sunna mu'azamuha wahy. C'est-à-dire la grande partie de la sunna c'est du wahy. Or, toute la sunna est du wahy. La sunna entière est entièrement du wahy. La sunna, toute la sunna c'est du wahy. C'est une révélation. C'est une révélation. Lui, il a dit la grande partie de la sunna est une révélation. Cheikh Arafat, hafidahullah, dit الله تعالى دي قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. Voici un premier verset qui montre que ce que le prophète عليه السلام est en train de suivre, c'est du wahy. C'est du wahy. Et il y a إنما qui signifie الحصر. Comme c'est connu dans la langue, إنما تفيد الحصر. قل إنما أتبع. إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. دي je ne fais que suivre ce qui m'est révélé de mon Seigneur. Sourate Al-A'raf, la sourate de Al-A'raf, le verset 203. Et Allah subhanahu dit وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. D'accord. Traduction rapprochée du sens de ce deuxième verset. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. إِنَّمَا هُوَ وَحْيٌ يُوحَىٰ. D'accord. Innama tufidul hasr. Remarquez dans le premier, il y a innama, et dans le deuxième, in huwa illa wahyun yuha, c'est-à-dire ce n'est qu'une révélation qui est inspirée. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. D'accord. Et le deuxième verset, il est extrait de surat An-Najm, l'étoile. Les versets 3 et 4. Et dans les deux sahih, les deux authentiques de Al-Bukhari et Muslim, il y a sa parole sallallahu alayhi wa sallam, wa innama kana alladhi utitu wahyan awhahu Allahu ilay. Innama. Encore, remarquez cela qui revient dans le troisième texte, wa innama kana alladhi utitu wahyan awhahu Allahu ilay. D'accord, c'est-à-dire traduction rapproché du sens de ce hadith prophétique. Ce que j'avais reçu n'est rien qu'une révélation qu'Allah m'a donnée. N'est rien que, ne que, qui signifie la restriction. D'accord. On va lire une parole d'un savant qui est Al-Khazraji, rahimahullah, dit dans Al-I'tibar, la page 98, il a dit وَالسُنَّةِ كان ينزل بها جبريل ويعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يقول قولا يخالف التنزيل إلا ما نسخ من قوله بالتنزيل. D'accord. Traduction de cette parole de ce savant musulman. Jibril descendait avec la sunna. Il l'apprenait au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Alors, il ne disait pas une parole qui contredirait la sunna, qui contredirait Al-Qur'an. Pardon. Alors, il ne disait pas une parole qui contredirait At-Tanzil, c'est-à-dire Al-Qur'an, sauf ce qui a été abrogé de la parole d'Allah par le moyen du Tanzil. Le phénomène de, c'est-à-dire de l'abrogeant et de l'abrogé. Al-Nasikh wal-Mansukh, qui est dans le Qur'an Karim, Allah subhanahu wa ta'ala, il nuzilu fi kitabihi ma yasha, thumma. Donc là, c'est une parole donc, qui montre que ce qu'avait reçu le messager, c'est C'était une révélation. Hein. Jibril descendait avec la sunna. Hein. Il l'apprenait au messager alayhi sallam. Jibril descendait avec la sunna. D'accord? Que la sunna, c'est une révélation. D'accord? Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah avait dit dans Al-Asbahaniya, la page 727, il a dit « Wa min al-ma'loumi anna ma yudhkaru fi buyuti azwaj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam imma al-Qur'anu wa imma ma yaquluhu min ghayri al-Qur'an wa thalika huwa al-hikma wa huwa al-sunna fathabata anna thalika mimma anzalahu Allah wa amara bidhikrihi » D'accord? Il fait allusion au verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا hein? C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il adresse la parole aux épouses du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, hein? C'est-à-dire de mentionner ce qui est récité dans leur foyer, hein? Parmi les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et parmi la hikma qui est la sunna. Hein? Et donc, voilà ce qu'était en train de dire Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah en commentaire de ce verset. وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَا يُذْكَرُ فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ إِمَّا الْقُرْآنُ وَإِمَّا مَا يَقُولُهُ مِنْ غَيْرِ الْقُرْآنُ وَذَلِكَ هُوَ الْحِكْمَةُ hein, ce que le message est dit en dehors du Coran, c'est الْحِكْمَةُ وَهُوَ السُنَّةُ فَثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا أَنزَلَهُ اللَّهُ وَأَمَرَ بِذِكْرِهِ. D'accord? Traduction de la parole de Cheikh Islam, rahimahullah. Il a dit, il est connu que ce qui est mentionné dans les foyers des épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est soit Al-Qur'an, soit ce qu'il dit en dehors de Al-Qur'an, et c'est Al-Hikma. Hein? C'est-à-dire Al-Hikma, on traduit par la sagesse, si on veut traduire le mot. Mais Al-Hikma, c'est la sunna. Al-Hikma, c'est la sunna. Dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle prend le sens de As-Sunnah. Sunnah du prophète s'appelle As-Al-Hikma. D'accord? Il a dit, il continue, il a dit, c'est la preuve que cela fait partie de ce qu'Allah a fait descendre et ordonna de réciter. Hein? Allah ordonna de réciter les versets et cette sunnah qui est une hikma et qui est révélée aussi. Très bien, fin de la citation. Et il dit, rahimahullah, Cheikh al-Islam, dans Al-Fatawa, le volume numéro 7, la page 40, il dit « وَأَمَّا الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَيَنْزِلُ عَلَيْهِ وَحْيُ الْقُرْآنِ وَوَحْيُ آخَرُ وَهُوَ الْحِكْمَةِ كَمَا قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ كَانَ جِبْرِيلُ يَنْزِلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِالسُّنَّةِ فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن. Traduction de la parole du Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Quant au messager, on faisait descendre sur lui la révélation de Al-Qur'an et une autre révélation qui est Al-Hikma. Hein? Ou bien qui est Al-Hikma. Comme il dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, certes j'ai reçu le livre et son équivalent avec. Et Hassan ibn Atiyya dit, Jibril descendait vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la sunna, qu'il lui apprenait comme il lui apprenait Al-Qur'an. Hein? Fin du deuxième fondement. Donc dans ce deuxième fondement, il y a son erreur qu'il est en train de dire que la majorité ou bien la plupart de la sunna c'est une révélation. Or les gens de la sunna disent que la sunna en entier c'est une révélation. Donc le deuxième khata, la deuxième erreur dans les bases, parce que ça c'est grave d'insinuer que dans la sunna il y a des choses qui ne sont pas révélées. Hein, c'est une erreur. Wallah al-musta'an. D'accord. Le troisième fondement maintenant, et qui est proche de cela aussi, parce que ces trois, le Cheikh al-Fawzan sera interrogé sur ces trois choses. Le troisième fondement, Al-Hajouri a lu et approuvé pour la publication, comme c'est marqué sur la page de couverture de cet écrit, publié par l'un de ses disciples. Une épître où l'auteur dit, Al-Hajouri a lu et approuvé une épître où son auteur dit, on accepte la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam que si elle est étayée par une preuve. Hein? Subhanallah. Il a dit, inna rasoul sallallahu alayhi wa sallam la yuqbalu qawluhu illa bi dalil ou bi hujja. Hein? Musawwira. Wallah al-musta'an. Hein? C'est-à-dire quand le prophète il apporte une chose, tu lui demandes encore une preuve. Ce que dit le prophète, c'est la preuve même. Ce que dit le prophète, il t'apporte les preuves, le prophète. Lorsqu'il parle, il t'apporte une preuve. Ce sont des versets hein, du Coran ou ce sont les hadiths. Lorsque le prophète il parle, c'est déjà la preuve, c'est la preuve. Lui, il demande la preuve au prophète, alayhi salatu wa salam. Wallah al-musta'an. Et Al-Hajouri, il a agréé cet écrit et il l'a approuvé pour la publication. Hein? Il l'a approuvé pour la publication. Donc je cite, il a dit, Inna Rasoul sallallahu alayhi wa sallam la yuqbalu qawluhu illa bidalilin aw bihujjatin musawwira. Traduction, on accepte la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam que si elle est étayée par une preuve ou un argument hein, soutenable, c'est-à-dire plausible, soutenable ou probatoire. Moussawira, c'est-à-dire qu'on peut accepter. D'accord? Wallah al-musta'an. Donc voilà, fin de la citation de ce qu'il y a dans cet écrit. Hein? Donc on dit après, en commentaire de cette erreur, il n'est pas permis d'interpréter cette parole en ramenant l'histoire des datiers, ta'bir al-nakhl, hein? Puisque celle-ci relève des affaires de la dunya, dont il dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, Antum a'lamu bi umuri dunyakum, fama kana min amri dinikum fa ilayya. D'accord? Il n'est pas, donc, ce itlaq qu'a fait ce disciple ici. Il a fait un itlaq. C'est-à-dire, il a dit une chose, hein, il a rendu une qaïda générale. Il a dit, on accepte du messager, alayhi sallam, que s'il nous apporte une preuve. D'accord? D'accord? On accepte de lui que s'il va nous donner une preuve sur ce qu'il dit. Wallah al-musta'an. D'accord? La yuqbalu qawluhu illa bidali. C'est-à-dire, voici le qawl du prophète. Tu lui demandes aussi de donner une preuve. Hein? Tu lui demandes encore la preuve sur le qawl qu'il vous dit. Donc les choses de la dunya, oui, donc dans les choses de la dunya, Nabi alayhi salam, min bashariyati alayhi salam, أنه عليه الصلاة والسلام في هذه القصة وفي غيرها dans cette histoire qui est l'histoire des datiers et dans les affaires de la dunya il vit en homme hein, il vit en homme les choses qui relèvent de la dunya on revient aux gens aux spécialistes de cette chose dans les dates on doit revenir ou dans les datiers puis on revient aux agriculteurs et ainsi de suite. D'accord? Aux agriculteurs. Il a dit, c'est pourquoi le prophète sallam, il a dit Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Hein? Fama kana min amri dinikum fa ilayya. Vous connaissez mieux vos affaires terrestres, mondaines. Hein? Et s'agissant de celles de votre religion, elles reviennent à moi. Parce que Allah azzawajal, il l'a élu pour recevoir la révélation et pour la transmettre hein, aux serviteurs. Fin de la tentative de traduction de cette parole du prophète alayhi salatu wasalam. Pour la référence de cette faute, elle se trouve dans une risale intitulée Mulhaqul Minzar ma'al bayani lima badarahu al-Sheikh Abdul Rahman al-Adani fi Damaj min Adrar, safha 3. Voici la source de cette parole, donc de ce disciple de Al-Hajouri, et cette risale a été approuvée par Al-Hajouri. Donc ils ont fait beaucoup d'écrits dans cette fitna contre les mashayikh. Au lieu de s'occuper de la da'wa et au lieu de s'occuper de ce qui profite aux gens de la sunna, ils ont occupé les gens de la sunna par leur fitna. Et voilà par quoi ils les ont occupés. Ils ont commis des erreurs alors qu'ils ne sont pas qualifiés hein, de parler dans ces choses graves. Voici les erreurs qui sont... التي ظهرت منهم التي بدرت منهم pour qu'on utilise ce qui est utilisé dans cet intitulé de ce disciple. Donc il cita le hadith hein, de Rafi' ibn Khadij radiallahu anh qui est dans Muslim et qui porte sur l'affaire du palmier, puis il en conclut hein, regardez cette extraction et cette conclusion que fait cet étudiant après avoir cité le hadith de Ta'bir al-Nakhl, il tire cette conclusion hein? Il tire cette conclusion فَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ فَمَنْ دُونَهُ مِنْ بَشَرْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ أَوْ بِحُجَّةٍ مُسَوِّغَةٍ. Oui, tu demandes la preuve hein, au commun des gens, tu demandes la preuve à un savant aussi. Pour que tu ne sois pas un muqallid, tu lui demandes une preuve dans le Coran ou dans la Sunna, une preuve. hein, ou un ijma' et ainsi de suite. Hein. Mais demander la preuve au messager alayhi salam, hada min al-ajaib. C'est une chose étrange. Hada min al-gharaib, hada min al-ajaib, wallah musta'an. Les gens de science, ils étaient étonnés par ce genre de faute que lui, il agrée et pour la publication. Et voilà un exemple de ce qu'il appelle mashayikh ad-dar, hein, les savants, hein, ou bien les mashayikh, les maîtres, hein, du marquage de Dammaj. Très bien. Il conclut, donc il fait cette conclusion et je la traduis. Voici le messager d'Allah et ceux qui lui sont inférieurs, hein, le messager d'Allah et ceux, hein, qui lui sont inférieurs, on accepte sa parole, hein, on accepte sa parole que s'il a une preuve ou un argument plausible, hein, aw hujjatin musawwira. Très bien. Fin de citation. الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى fut interrogé quel est le verdict concernant un tel qui dit que la grande partie de la sunna est une révélation, أن السنة معظمها وحي, d'accord, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est trompé dans les moyens de la prédication, أن النبي عليه الصلاة والسلام يخطئ في ماذا, hein, في وسائل الدعوة, dans les moyens de la prédication. Et c'est alors que son Seigneur le corrige et l'éduque. Hein? Et la troisième erreur qu'il approuva, elle se trouve, ce n'est pas une parole de l'Hajouri, mais c'est dans un écrit que lui, il a approuvé pour la publication. Et la troisième, qui est posée ici à Cheikh Al-Fawzan, est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui lui est inférieur, on accepte sa parole que si elle repose sur une preuve. Quel est le jugement de cette parole ainsi, hein, que celui, c'est-à-dire le jugement d'apprendre chez cette personne? Le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah a répondu: ceci est une parole laide et mauvaise. Hada kalamun sayyi'un wa qabih. Hein? Qabihun wa sayyi'. Hein? Qu'il n'est pas permis d'écouter et de se taire sur cela. Il n'est pas permis d'écouter cette chose et donc de la faire passer. Hein? يسكتون عن أخطاء الحجوري هكذا التي في دروسه وكذا. Il n'est pas permis. Regardez ce qu'a dit le cheikh. Il n'est pas permis d'écouter et se taire sur cela. C'est grave. D'accord. C'est un manquement envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Allah jalla wa ala avait dit de lui. Traduction rapprochée du sens du verset. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation inspirée. Ce n'est qu'une révélation inspirée. Et comme on a dit, c'est dans Sourate An-Najm, l'étoile, les versets 3 et 4. Or, fin de la citation, fin de la traduction rapprochée du sens du verset. Or, celui-là rend le messager sallallahu alayhi wa sallam fautif dans les affaires de religion. Les affaires de la législation sont une révélation venant d'Allah. Quant aux affaires de la dunya, les affaires mondaines, le messager alayhi sallam consultait ses compagnons à leur sujet dans les affaires mondaines. Il vivait, comme on a dit, en homme, min bashariyatihi, dans les affaires mondaines, c'est-à-dire, il vit comme les hommes, d'accord, hein? Yamshi fil aswaq wa ya'kul at-ta'am wa hakada, d'accord. Dans les affaires mondaines, le messager alayhi sallam consultait ses compagnons, hein, à leur sujet. N'est-ce pas, le cheikh? Donc, il sait qu'il est en train de parler de quelque chose qui est grave. Il dit, hein, parce que l'Issan, il risque donc de dire une chose qui est imprécise. Il a dit, le cheikh, n'est-ce pas, dans les affaires mondaines, il les consultait. Quant aux affaires de la législation, elles sont tawqifiya, c'est-à-dire dépendant uniquement des textes. Elles sont uniquement tawqifiya. C'est une révélation venant d'Allah, jalla wa ala. Il ne dit rien sous l'effet de la passion. Hein? Ce n'est qu'une révélation inspirée. Hein? Qui est donc la traduction du sens du verset. Hein? Donc, qui est وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. D'accord. Donc, après ces trois fondements, hein, qui concernent le messager alayhi salatu wasalam et sa sunna et usloub da'wati, hein, ou wasa'il da'wa, wasa'il da'wati alayhi salatu wasalam, ou donc le hajouri, il ne connaît pas ses limites. On va passer maintenant au quatrième fondement. Son accusation aux sahaba maintenant, par l'irja. Il accuse les sahaba qu'ils avaient de l'irja. Ils accusent les Sahaba, que parmi eux, il y en avait qui avaient l'irja. Hein? Donc regardez, là maintenant on passe du messager vers les Sahaba. Al-Hajouri dit dans la cassette intitulée Tabiyin al-Kadhibi wal-Main. Tabiyin al-Kadhibi wal-Main. On va dire qu'il y a des choses à les Sahaba, radiallahu alayhi. Tabiyin al-Kadhibi wal-Main. C'est-à-dire la démonstration du mensonge et de l'imposture, si on veut dire. Le main, c'est proche de Al-Kadhib. D'accord ? Le questionneur, ou bien la question. Votre parole, ils sont en train de s'adresser à Al-Hajouri. Votre parole, c'est-à-dire celle de Al-Hajouri, envers les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le phénomène de l'irja, sa parole, il cite qu'est-ce qu'il a dit Al-Hajouri. Le phénomène de l'irja était chez les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et que le premier ayant proféré de l'irja était Uthman ibn Mad'oun. D'accord ? Quand il but du vin. D'accord ? Fin de citation. Et vous avez imputé ce propos à Ibn Taymiyyah. C'est-à-dire, le disciple, il est en train de lui rapporter que les gens de science l'ont critiqué sur cela. Et vous avez imputé cela à Ibn Taymiyyah. Al-Hajouri a répondu, c'est-à-dire bien après avoir reçu cela, il a soutenu, il a combattu, et ainsi de suite, et on est en train de l'interroger sur cela, qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai ramené les sources dont j'avais cité ce jour-là, telle parole, quand nous étudiâmes avec les frères, et nous l'attribuâmes à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et Ibn Abi al-Izz. Fin de citation. Cheikh Arafat Mohammadi, hafidhahullah, il a dit, il a imputé cette parole à deux savants. Qui sont Ibn Taymiyyah et Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, Sharih al-Tahawiyya, Ibn Abi al-Izz, qui a expliqué le maître de al-Tahawiyya par une explication, c'est-à-dire forte, et que les gens de science lisent aussi devant leur tullab, et ainsi de suite. Cheikh al-Jami, rahimahullah, il était en train d'expliquer ou de commenter Sharih al-Tahawiyya li Ibn Abi al-Izz, rahimahullah. D'accord ? Donc, il a imputé cette parole à ces deux grands savants. D'accord, Cheikh Arafat, il a dit, il a imputé cette parole à deux savants et il renvoya au fatwa de Cheikh l'Islam, le volume 11, les pages 403 et 404. Or, ceci est un mensonge sur Cheikh l'Islam. Kadhaba ala Cheikh l'Islam. Qal tabiyin al-kadhib wal-min, huwa kadhaba ala Cheikh l'Islam. Or, ceci est un mensonge sur Cheikh l'Islam, rahimahullah. Puisque nous sommes revenus au volume et à la page indiquée, et nous n'avons rien trouvé de ce qu'il cita. D'accord ? Nous n'avons rien trouvé de ce qu'il cita. Si Cheikh l'Islam l'avait dit, il aurait été critiqué. Si Cheikh l'Islam, nous, on n'a pas comme Sophia. Comme Sophia, si le Cheikh commet une erreur, même si c'est flagrant, donc il ferme l'œil. Si Cheikh l'Islam avait commis une telle erreur, il aurait été critiqué. Il ne l'avait pas dit et il ne lui sied pas. Hachahu rahimahullah. Il ne sied pas à Cheikh l'Islam de dire une telle parole. D'accord ? D'imputer l'irja à Sahaba. Il ne sied pas à Cheikh l'Islam. Cheikh l'Islam, c'est un savant sunni. Il ne dit pas une chose pareille. Il ne l'avait pas dit, ce propos. Il ne l'avait pas dit. Et il ne lui sied pas, rahimahullah, de se salir par ce genre d'accusation nulle envers les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh l'Islam, rahimahullah, dit, voilà ce qui contredit la parole de Al-Hajouri. Cheikh l'Islam, qu'est-ce qu'il dit de Sahaba ? وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ يعني في الصحابة أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ الْمَشْهُورَ كَالْخَوَارِجِ وَالْرَوَافِدِ وَالْقَدَرِيَّةِ وَالْمُرْجِئَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ. Ce sont les bases des innovations. لم يكن فيهم أحد عنده هذه الأشياء في الصحابة رضي الله عليهم. بل كل هؤلاء إنما حدثوا في من بعدهم. D'accord. C'est-à-dire les murji'it, etc. C'est après les Sahaba. L'irja, et ainsi de suite. Et ces bid'a, nos enseignes Cheikh l'Islam, c'est dans les gens qui sont venus après les Sahaba رضي الله عليهم. D'accord. Ou bien, donc. À la fin de As-Sahaba, vous trouvez que le Khawarij combat As-Sahaba. Mais il n'y avait pas parmi As-Sahaba des Khawarij. Il n'y avait pas parmi As-Sahaba des Murji'is ou des Jahmis. Abadan. Comme avait dit Cheikh l'Islam, hein, que dans cette parole, voici la traduction, il n'y avait pas parmi eux, c'est-à-dire les compagnons, quelqu'un, hein, c'est-à-dire un seul cas, hein, quelqu'un qui aurait l'une des innovations répandues comme Al-Khawarij, Al-Rawafid, Al-Qadariya, Al-Murji'a et Al-Jahmiya. C'est plutôt que tous ceux-ci, c'est-à-dire les gens d'innovation, hein, tous ces groupes, sont venus après eux, hein, et c'est donc dans le Fetawa, le volume numéro 27, la page 389 et 390. Voici donc le quatrième fondement, où il accuse Sahaba qu'il y avait parmi eux, c'est-à-dire des gens qui portent la bid'a de l'irja, hein. Et il n'a pas donc hésité donc d'anathémiser, hein, donc quelqu'un et qui est ce sahabi Jalil qui est Uthman ibn Mad'un, hein, radiyallahu anhu. Donc là al-asl al-khamis, le cinquième fondement que ce Hajouri, ce mubtadi' de al-Hajouri a contredit. Donc Al-Hajouri avait succombé dans l'un des avis de Al-Qadariya et Al-Mu'tazila, puisqu'ils ont parmi leurs bases, hein, que le chercheur de vérité et qui déploie son effort doit nécessairement l'atteindre. Faites très attention à cela. Hein. Faites très attention, les frères, à cela, parce qu'il y a des choses, c'est-à-dire il faut être donc nuancé et subtil dans cela. Ça regarde la aqida. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on a dit? Al-Hajouri avait succombé dans l'un des avis de Al-Qadariya et de Al-Mu'tazila, puisqu'ils ont parmi leurs bases que le chercheur de vérité et qui déploie son effort doit nécessairement l'atteindre. C'est-à-dire que si tu cherches la vérité, tu veux la vérité, et tu fais l'effort pour Al-Qadariya et Al-Mu'tazila, tu dois atteindre la vérité. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas l'avis des gens de la Sunna. Hein? Et on va voir pourquoi. Al-Hajouri a approuvé cela dans son explication de Al-Aqid al-Wasitiyya, hein? La page 142. Il dit, traduction de sa parole, ce qui est advenu comme tâtonnement, tachabbut. Hein? Tachabbut, c'est lui qui est en train de faire tachabbut. C'est lui, yatachabbut. Hein? Donc il a dit, ce qui est advenu comme tâtonnement chez les gens de passion, hein, c'est à cause d'un manquement qui leur était arrivé dans la recherche de vérité et d'y parvenir. Sinon, quiconque cherche le vrai, il y arrive. D'accord? Voici sa parole, texto. Il a dit, Ma hasala inda ahli al-ahwa'i min al-takhabbuti huwa li qusurin. هو لقصور حصل لديهم من البحث عن الحق والوصول إليه وإلا فمن بحث عن الحق وجده Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas tout un chacun qui cherche la vérité va y arriver. Ce n'est pas tout un chacun qui cherche la vérité et qui déploie les efforts, il va nécessairement arriver à la vérité. Il peut la rater. C'est la vie des gens de la Sunna, comme on va voir. Hein? Cheikh Arafat al-Muhammadi, hafidhahullah, commente, il a dit, celui qui recherche le vrai, peut l'atteindre ou le rater. Hein? Nous sommes qadariyya, hein? Il peut donc se tromper. Il peut le rater. Hein? Comme avait dit Ibn Mas'ud, Kam min muridin il khair la yablughuhu. Combien de personnes qui veulent la vérité mais ne vont pas y parvenir. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il a dit le cheikh, le cheikh Arafat? Il a dit, celui qui recherche le vrai peut l'atteindre ou le rater. Car le succès ne vient que d'Allah Ta'ala. Il guide qui il veut et il égare qui il veut. D'accord? Hein? At-tawfiq huwa mimman? Min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lui, il a dit, c'est comme s'il n'y avait pas ce tawfiq d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celui qui cherche la vérité et qui déploie l'effort, il va l'atteindre. Non, ce n'est pas le cas. Regardez la parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Il va dire que ce qu'a dit le Hajouri, c'est le qawl de qui? Hein? De l'Qadariya et de l'Mu'tazila. Regardez ce qu'a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, qu'anna Ibn Taymiyyah, rahmallah, yaruddu alayhi fi zamanina hada. C'est comme si c'était Cheikh Islam Ibn Taymiyyah qui est en train de prendre la parole de l'Hajouri, et la fitna de l'Hajouri, et il est en train de lui répliquer. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahmallah, dit dans Minhaj al-Sunna al-Nabawiyya, al-Mujallad al-Khamis, le volume numéro 5, la page 84, il a dit, قول من يقول إن الله قد نصب على الحق في كل مسألة دليلا يعرف به يمكن كل من اجتهد واستفرغ وسعه أن يعرف الحق، وكل من لم يعرف الحق في مسألة أصولية أو فرعية فإنما هو لتفريطه فيما يجب عليه لا لعجزه. وهذا القول هو المشهور عن القدرية والمعتزلة، وهو قول طائفة من أهل الكلام غير هؤلاء. داكوغ، وافق المعتزلة ووافق القدرية هذا الحجوري، ووافق من وطائفة من أهل الكلام. دونك جو تخادوي لو تيموان أرغيومونتاتيف دون سات سيتاسيون تخي بيل دو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فو فير تخي أتونسيون. داكوغ، لو تيموان أرغيومونتاتيف دون سولا. لا بارول qui dit, Cheikh Islam, il nous rapporte une parole et il va donc dire elle est de quel ta'ifa, de quel groupe, de quel sexe. La parole qui dit, tout un chacun qui connaît, qui ne connaît pas le vrai, tout un chacun qui ne connaît pas le vrai, dans une question de base ou de branche, cela ne vient que de son manquement dans ce qu'il doit, non pas à cause de son incapacité, ou laisse l'irzi, هذا القول. Cette parole, qu'est-ce qu'il dit sur l'islam? Ceci est le propos bien connu des Qadarites et des Mu'tazilites. Bien connu. Al-Ma'ruf, c'est le qawl al-mashhour. C'est-à-dire que quelqu'un qui enseigne donc, le fiqh ou l'aqida ou kadakum hajuri doit le connaître. Il a dit, ceci est le propos bien connu des Qadarites et des Mu'tazilites. Et c'est celui d'une partie des gens de Al-Kalam, autre que ceux-ci. Autre que les Mu'tazilites et les Qadarites. D'accord? Donc là, on peut ajouter, donc, juste en guise de rappel, la parole de Ibn Mas'ud, combien de personnes veulent atteindre la vérité mais ne vont pas parvenir. C'est pourquoi le croyant, le serviteur, il doit invoquer Allah, il doit demander à Allah tawfiq, il doit demander à Allah le succès. Tu peux déployer les efforts et faire donc beaucoup d'efforts. Et ne pas aboutir. At-tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Kam min muridin lil khayri la yablughuhu, wa ahsanu minhu qawluhu ta'ala. Yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah égare qui il veut. Et Allah accorde quoi? Al-hidayah, la guider à qui il veut. Hada huwa manhaj ahl sunnah wal jamaa'ah. Ya'khudhun min an-nusus. La min ahl al-kalam. D'accord. Ainsi que la parole du messager alayhi salatu wa salam, man yahdihillahu fala mudilla la, wa man yudlil fala hadiya la, celui qu'Allah guide, il n'a pas, personne ne peut l'égarer. Et celui que Allah égare, nul ne peut le guider. Donc nous, lorsque nous lisons ces choses et on commence notre cours parfois en récitant ces choses, et eux aussi ils font cela à Damas, est-ce qu'ils réfléchissent à ces paroles? Ou bien est-ce que ces paroles c'est juste une chose, c'est-à-dire pour la forme? Là, هذا كلام فيه معنى. هذا كلام, c'est une parole qui contient du sens. Il faut vivre avec ce sens. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ. D'accord? Donc, l'hidayah, هذا من الله سبحانه وتعالى. Donc, la personne qui déploie l'effort, ça peut atteindre la vérité, et ça peut ne pas, il se peut qu'elle ne l'atteigne pas pour une hikmah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Maintenant, le sixième fondement. Le sixième fondement, c'est que Al-Hajuri juge bon un vers du poème de As-Safariniya, l'aqida As-Safariniya, qui est une aqida mandouma As-Safarini, rahimahullah. Où il soutient donc la manhaj al-sunnah al-jama'a, Safarini rahimahullah, atna alayhi al-allam al-fawzan. Lorsque vous écoutez les audios de Cheikh Fawzan ou lorsque vous lisez dans l'explication de Cheikh Fawzan, trouvez que Cheikh Fawzan fait de l'éloge de cet homme. Il est en train de le défendre et de dire que c'est un savant, donc des gens de la sunnah, même s'il y a des endroits où il s'est trompé. D'accord? Mais il a pensé que cela c'est la vie des gens de la sunna, il l'a consigné dans sa mandouma, rahimahullah ta'ala. Donc là, Al-Hajuri, un endroit où Seferini s'est trompé, lui il pense que ça c'est la vie qui est vraie, et que c'est la vie des gens de la sunna. Il va importer cette croyance aux gens de la sunna, chose qui est grave. Il est en train d'expliquer un livre dans l'aqida, Al-Hajuri jugement inverse du poème Al-Aqida Safarinia et qui présente un avis des Ash'arites. Donc cette parole que le Safarini il a prononcée, cette parole, hein, c'est une parole, c'est l'avis des Ash'arites. Où le poète, Nadim, rahimahullah, a rendu possible qu'Allah punisse les serviteurs sans péché. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Al-Hajuri dit dans son explication du Safariniya, la page 152, il a dit de cette parole de An-Nazim qui est وَجَازَ لِلْمَوْلَى يُعَذِّبَ الْوَرَى مِنْ غَيْرِ مَا ذَنْبٍ وَلَا جُرْمٍ جَرَى. Ça, c'est une parole qui est fausse. Faites attention. Hein, on va savoir pourquoi c'est une parole fausse. Hein? Traduction du sens de ce vers. Hein? Et il est possible que le Seigneur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que le Seigneur punisse les créatures non pas pour un péché ou un crime commis. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut, il punit les serviteurs. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses attributs, c'est annahu al-hakam. هو متصف بالعدل سبحانه وتعالى ها ها انه حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين العباد الله donc il a donc les qualités ou les attributs de quoi de la sagesse hein et de quoi de la justice ah de la justice hein et donc cela contredit la croyance des gens de la sunna hein. Parce que ces Ash'arites, ils sont allés philosopher, hein? Ces Ash'arites, ils sont allés philosopher, et la croyance, on ne l'apprend pas de la philosophie, on l'apprend de le Coran et de la Sunna. Ils sont allés philosopher, ils ont donc donné cette possibilité aussi. Ils ont dit qu'il est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala punisse les créatures. Et pour étayer cela, ils se sont basés sur des textes. Et ce sont les textes qu'a ramené le Hajouri pour défendre cette croyance aussi. Hein? Ash'arites, subhanallah. Hein? Donc, et il est possible que le Seigneur, citation de ce vers, et il est possible que le Seigneur punisse les créatures, non pas pour un péché ou un crime commis. Al-Hajuri dit après ce vers, wa ahsanu min hadha al-bayt qawl al-Tahawi rahimahullah fi matn al-Tahawiyya. D'accord? Et il a cité al-Tahawi. Il a dit donc, Al-Hajuri, après avoir lu ce vers, ou après que ce vers lui a été lu par l'élève, et lui il doit expliquer, il a dit wa ahsanu min hadha al-bayt, c'est-à-dire que ce bayt il est hasan, que pour lui ce bayt il est, hein, ce vers de la poésie il est hasan, il est bon. Or ce vers il est batil. Chez les gens de la sunna, ce vers il est batil. Hein? On n'impute pas à Allah subhanahu wa ta'ala cette chose, qu'il est possible qu'il punisse les créatures sans avoir commis un péché. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, muttasifun bil adl, wa muttasifun bil rahma, wa muttasifun bil karam. Hein, hada kulluhu yunaqidu kalam al-hajuri. D'accord, il a dit, wa ahsanu minhu min hada al-bayt, qawl tahawi rahimahullah, fi matn tahawiyya. Il dit, est meilleur que ce vers la parole de At-Tahawi rahimahullah dans le matn de At-Tahawiyya. فلو أن الله عذب العباد جميعا ما كان ظالما لهم وإن رحمهم فبفضل منته وكرمه. D'accord, traduction. Si Allah punit tous les serviteurs, faites attention, y compris Muhammad alayhi salam, y compris Sahaba radhiyallahu anhum, y compris donc avant Sahaba, y compris les autres prophètes, hein, y compris tous les serviteurs. Peut-être même qu'ils pensent à Al-Malaika aussi. Hein, les serviteurs, toutes les créatures. Hein, ils ont dit Yu'adhib al-wara, makhlouqat. Ajib had al-fahm min had al-asha'ira. Si Allah punit tous les serviteurs, il ne serait pas injuste envers eux. Et s'il leur fait miséricorde, c'est par le bienfait. Hein, de sa largesse et générosité. Cheikh Arafat al-Muhammadi Hafidallah dit, ce vers est un vers faux. Est un vers faux. Il est composé selon l'avis des Ash'arites, hein, et des Jahmiya, hein, et de Al-Jahmiya. Les imams de la Da'wa ont critiqué ce vers dans leurs commentaires sur Sharh Safarini. D'accord? Les imams de la Da'wa Najdiya qui sont venus après l'imam Mohammed ibn Abd Wahhab, lorsqu'ils ont commenté Mandomat Safarini, hein, ils ont critiqué ce verbe, les imams de la Aqida, hein, des gens qui sont calés dans la science. Ils ont critiqué ce verbe. D'accord? Les gens de la Sunna soutiennent qu'Allah ne châtie personne sans péché. Non pas par incapacité, hein, non pas par incapacité, mais par sa justice, hein, subhanahu wa ta'ala. Par sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Par sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Comme les textes du Coran et de la Sunna attestent. Hein? D'accord? De l'honneur qu'il fait aux obéissants. Ikramuhu lil muti'in. Lorsque le serviteur il lit le Coran Karim, il s'apaise. Non, il lit que Allah subhanahu wa ta'ala offre des paradis, des jardins, donc aux obéissants. Hein, est-ce qu'on va leur dire Allah subhanahu wa ta'ala, même si vous êtes obéissant, hein, il est possible qu'il vous punisse. Il est possible qu'il vous punisse. D'accord? Et faites attention, il va y arriver une chose. Il va essayer donc de feinter. Attention. Ce que je viens de vous lire, qu'a cité Cheikh Arafat Mohammed, il a dit ça c'est batil, ça c'est un verre faux, etc. Ça c'est extrait, hein, d'une argumentation de l'érudit savant Abba Boutaïn. C'est parmi les érudits savants qui sont venus après l'imam al-Mujaddid Mohammed ibn Abd Wahhab, rahimahullah ta'ala. C'est dans Hashiyat Abba Boutaïn ala lawami' al-anwar. D'accord? Le cheikh, donc il nous donne les références, etc., pour qu'on sache qu'il est en train de nous citer des gens, hein, de science, hein, qui est ce grand savant donc, de la da'wa najdiya. Le cheikh Arafat, après cela, relève que les suiveurs de l'Hajouri sont venus à son secours, hein, en apportant ce hadith, hein, sans qu'ils en comprennent le sens. Ils ont apporté un hadith du messager alayhi sallam sans qu'ils comprennent le sens de ce hadith. Que dit le hadith, hein? Le prophète alayhi sallam, il a dit « لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. » Je répète, hein, la parole de notre messager alayhi sallam, « لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. » Traduction rapprochée du sens de ce hadith, de cette parole du prophète. Si Allah punit les gens du ciel et ceux de la terre, il l'aurait fait sans qu'ils soient injustes à leur égard. Hein? Pour comprendre ce hadith maintenant, on revient aux gens de science. Hein? Non pas qu'on va prendre le texte et on va le comprendre nous-mêmes. Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, explique ce hadith comme suit. Il a dit « وَأَمَّا مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ » إلى آخر الحديث. هذا معناه أن الله لو حاسبك على نعمه التي أنعمها عليك وحاسبك على حسناتك فماذا تساوي بالنسبة للنعم التي أنعمها الله عليك؟ لا تقابل شيئا. D'accord, vous voyez la compréhension des gens de science. انتهى من شرحي على السفارين يا صفحة 122. On va expliquer. Il a dit, le cheikh d'abord, on traduit sa parole. Il a dit, hein, ce hadith signifie que si Allah te demande des comptes sur les bienfaits qu'il t'a octroyés, sur tes bonnes actions, qu'est-ce qu'elles valent en comparaison des bienfaits, hein, qu'il te donne? Ces bonnes actions, qu'est-ce qu'elles valent devant les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala? Regardez les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Lui, la vue, hein? Le cœur, donc le sang, tout un système, les pieds, la main, l'aql, le fouad, le fahm, minnat sunna, ni'am liat Allah subhanahu wa ta'ala lil ibad. Si Allah subhanahu wa ta'ala te demande des comptes sur ces ni'am, qu'est-ce qu'elles valent, hein, devant tes, donc, c'est-à-dire que valent tes adorations devant ces c'est bien fait d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le sens de ce hadith. لو أن الله أخذك وحسبك. لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. Si Allah punit les gens du ciel et ceux de la terre, hein, c'est-à-dire s'il leur demande des comptes et qu'il leur fait des comptes, etc., on pèse donc leurs adorations, etc., leurs hasanats. Et donc, qu'est-ce qu'elles valent devant les bienfaits qu'il leur a octroyés? Elles ne valent rien, donc s'il les punit, لعذبهم وهو غير ظالمين لهم. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. دونك نو اون سو ليميت لا داكوغ نو اون سو ليميت لا نو با كون فيلوزوف اتونسيون ا لا بيس دو سي فيلوزوف نو اون اي دي جون دو الاسلام اون سوي لي تيكست في تري اتونسيون ا سولا. دونك لا سي فيلوزوف ils ont donc sorti cette parole fausse. Donc là, le cheikh Fawzan a dit que cela ne vaut rien. C'est-à-dire, si on pèse les actions donc, du serviteur devant les bienfaits d'Allah, c'est le sens, c'est comme cela que l'on comprend le hadith du prophète. Ensuite, cheikh Fawzan Hafidullah poursuit en disant, hein, mais ceci est faux. Hein, qu'est-ce qui est faux? C'est-à-dire, ta'zib al-ta'i' wa tan'im al-'asi. C'est-à-dire qu'Allah punit l'obéissant et qu'il fait réjouir le désobéissant. Parce que ces philosophes, ils sont allés philosopher avec les textes du prophète. Les textes du prophète, c'est une révélation. Ça, c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas pour philosopher. Hein? C'est beaucoup de gens donc, de l'Occident maintenant, ils font cela. Ils veulent comprendre le Coran comme cela. Hein? Le Coran, c'est un livre de guider. C'est pour connaître ton chemin et pour que tu donc. Aille dans le sens du paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala pour rentrer au paradis, non pas pour philosopher. Donc là, le cheikh Fawzan, hein, il commence cette parole qu'avaient dit les gens du kalam. An Allah subhanahu wa ta'ala yajouzu an yu'adhiba Muhammad alayhi sallam, wa an yuna'ima Iblis. Regardez la philosophie, comment elle est. Ils ont dit qu'il est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala punisse Muhammad alayhi sallam. Et il est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse réjouir Iblis ou Pharaon. La'anahumullah, les deux. Iblis ou Pharaon. Na'oudhu billah. Regardez le raisonnement donc, de ces gens où ils s'égarent. Hein? D'accord? Le Cheikh Fawzan a dit, mais ceci est faux. Hada batil. Ceci est faux. Ta'zib al-ta'i' wa tan'im al-'asi. C'est-à-dire que le fait de punir le croyant. Et même ils sont allés jusqu'à dire Jibril ou Mohammed. Hein, donc punir le croyant et faire réjouir le mécréant. Ils ont donné comme exemple, hein, comme on a dit, Iblis, la'anahullah, ou Pharaon, hein, la'anahullah. Le cheikh l'a dit, c'est faux pour ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Hada la yaliq fi haqq Allah subhanahu wa ta'ala. Hada i'tiqad fasid. C'est faux pour ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Car il ne lui sied pas de faire réjouir le mécréant et de torturer le croyant. Il ne sied pas à sa sagesse, subhanahu wa ta'ala, à sa miséricorde. Les preuves sont venues dans le livre, hein, et dans la sunna, qu'il prépara des jardins aux pieux, hein, et le feu aux mécréants. Annahu Allah subhanahu wa ta'ala a'adda al-janna lil-muti'in wa a'adda al-nara lil-usat. أعد النار للعصاة هنا معصية يعني الكفر أو من استحق دخول النار ثم يدخل إلى الجنة. D'accord. Il prépara des jardins aux pieux et le feu aux mécréants. Voici ce qu'il y a dans le livre et la sunna. Comment dites-vous donc? Il s'adresse aux Ash'arites. Il est en train donc le cheikh donc de bousculer ces Ash'arites dans ce raisonnement faux. Comment dites-vous donc qu'il punit toutes les créatures sans péché? Ni crime commis. Hein? C'est-à-dire, il est en train de commenter ce vers. Hein? Subhanallah. Et donc là, c'est dans le Sharh Safariniya de Sheikh Al-Fawzan, la page 121. D'accord? Qala Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, fil Fatawa Al-Kubra, Al-Mujallad Al-Awwal, le premier volume, page 75. Il a dit: Wal-Hadithu. الذي في السنن. Il va nous expliquer ce hadith que le Cheikh Al-Fawzan nous a expliqué. والحديث الذي في السنن لو عذب الله أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. يبين هذا الحديث يبين أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك لا لكونه بغير ذنب. وهذا يبين أن من الظلم وهذا يبين أن من الظلم المنفي عقوبة من لم يذنب. D'accord. Le Cheikh l'Islam il cite le hadith et il commente qu'il éclaircit que le supplice s'il avait lieu ce serait parce qu'il le mérite, Non pas parce qu'il peut avoir lieu sans péché. C'est eux qui ont amené cette notion de péché. Hein? Amma an-Nabi alayhi salam lam yadhkur hadha fi fil hadith. Qal law 'adhaba ahla samawati wa ahla ardihi, hein? Ahla samawati la'adhabahum wa ghayru zalimin lahum. Hein? Eux ils ont introduit, ils ont glissé ce mot. Hein? Ce mot qui est, hein, donc yu'adhibuhum min ghayri dhanb. C'est-à-dire même Mohammed, il peut le punir. Et faites attention, il va y avoir quelque chose. Hein? Donc là, Cheikh l'Islam, qu'est-ce qu'il a dit? Cela montre que parmi l'injustice niée, hein, il y a le fait de punir celui qui n'a pas commis le péché. Allah ne va pas punir quelqu'un sans péché. Abadan, abadan. Inna Allah la yazlimu mithqala dharra. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Donc Cheikh Arafat, hafidhahullah, a dit, et en résumé, Al-Hajouri a trouvé bon le vers de Seferini. Ça c'est d'une part. Quel vers? Je le rappelle. Wa jaza lil mawla yu'adhib al-wara. Min ghayri ma dhanbin wala jurmin jara. Wa jaza lil mawla yu'adhib al-wara. Min ghayri ma dhanbin wala jurmin jara. Il ramena les arguments des Ash'aris, hein, pour défendre cette thèse. Had al-Hajouri, hein? Il ramena les arguments des Ash'aris pour défendre sa thèse. Hein? Et dans le vers suivant, qui vient juste après, فَكُلُّ مَا مِنْهُ تَعَالَى يَجْمُلُ لِأَنَّهُ عَلَى فِعْلِهِ لَا يُسْأَلُ. Les Ash'aris, ils ont dit cela. Hein? Il a continué, lui, عَلَى نَفَسْ الْأَشَعِرَ. Il a continué. Hein? Il a continué dans le même raisonnement. Al-Sheikh Al-Uthaymin, lui. D'accord? Il avait commenté dans Sharh al-Safariniya. Mais avant cela, je vous traduis un tout petit peu le sens de cela. Ils ont dit, il est donc possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala punisse donc les créatures sans avoir de péché ni de crime commis. D'accord? Ça, c'est un. Le deuxième vers, فَكُلُّ مَمِنْهُ تَعَلَى يَجْمُلُ. C'est-à-dire que tout ce que Allah fait est beau. Oui, tout ce que Allah fait est beau, mais non pas donc cette chose que vous avez philosophée, hein? Mais non pas cette chose. Cette chose, comme va dire Cheikh Al-Uthaymin, il va dire ce n'est pas une chose jamila, ce n'est pas une belle chose, comme va dire Cheikh Al-Allama Al-Uthaymin, hein? فكل ما منه تعالى يجمله لأنه على فعله لا يسأله. Allah سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Oui, c'est vrai, mais regardez comment ils prennent des choses du Coran et la mélange avec leur fausseté. Yalbisuna al-haqqa bil batil. Yalbisuna al-haqqa bil batil. Allah subhanahu wa ta'ala jamil yuhibbu al-jamal. Allah subhanahu wa ta'ala la yus'alu an af'alihi, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. D'accord? Mais vous avez philosophé, vous avez mélangé les choses, vous avez mélangé du vrai avec du faux. Al-Shaykh al-Allama al-Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, dans son commentaire sur Safariniya, les pages 340 et 341. D'accord? قال الشيخ العثيمين فإن عقوبة المطيع ليست جميلة فلا يصدق عليها هذا التعليل. Il est en train de réfuter les Ash'aris. Il a dit, punir l'obéissant n'est pas une bonne chose, n'est pas une belle chose. Donc cette explication ne convient pas comme argument à ce qui précède. C'est-à-dire que ce vers, il vient étayer le vers précédent, il vient renforcer le vers précédent. De justifier par cela, justifier le vers précédent qui est une fausse. C'est là. Allah subhanahu wa ta'ala la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Hada amr akhar. C'est une autre affaire. D'accord? Donc là, eux, lorsqu'ils disent que punir l'obéissant, etc., hada yajmul wa hada jamil, hada c'est faux. Hada khata. D'accord? Comme a dit al-Sheikh al-Allama al-Uthaymin ici, il a dit. فإن عقوبة المطيع ليست جميلة فلا يصدق عليها هذا التعليل. Regardez comment il a réfuté les Ash'aris. Punir l'obéissant n'est pas une bonne chose, n'est pas une belle chose, donc cette explication ne convient pas comme argument à ce qui précède, c'est-à-dire au vers qui précède. Les Hajawira, c'est ceux qui se fanatisent pour les Hajouri, on les appelle des Hajawira, parce qu'ils rakibou l'bid'a, ils reçoivent ce sobriquet. Amma al-sunna, la yasduq fihim les sobriquets. Les sobriquets ne conviennent pas aux gens de la sunna. Mais ces gens, ils se sont fanatisés pour le hajouri. Et on va voir, comme a dit le Cheikh al-Waisabi, حفظه الله تعالى له نصيب من اسمه. قال لعل الإنسان يكون له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يكون له نصيب من اسمه، لعل يكون له نصيب من اسمه. هذا الحجوري عنده نصيب من اسمه في التحجر لا ديوغتي. Parmi les caractéristiques de cet homme, la première, parmi les caractéristiques de cet homme, c'est la violence et la dureté. La dureté. Hein, des gens de science sont en train de le conseiller pendant des années. Et lui, il a agi de cette façon avec les gens de science. Et il a expulsé des gens qui sont venus demander la science. Il les a expulsés de Meuse pour la raison qu'ils n'ont pas rendu Al-Adaniyin un Hizbi. Il les a expulsés. Taradahum min Damaj. Et beaucoup d'entre eux sont des A'ajim, c'est-à-dire des non-arabes, qui sont convertis à l'islam, hein, pour bon nombre d'entre eux. Et il les a expulsés, hein, pour ne pas avoir rendu l'Adani Hizbi. Subhanallah, tulzim nas bi ra'ik ant bijtihadika, qal Sheikh Louis Sabi, ala fardi anna ujtihad. À supposer que c'est de l'ujtihad, alors que c'est de l'animosité, et c'est de al-hiqd, c'est de l'envie. Parce que cet homme, il était doux, il avait du savoir, tu l'envies, hein, tu l'as envié, et lorsqu'il a voulu faire un marquez, tu as fait cette fitna. Hein. Lorsqu'il a voulu faire un marquez où les gens vont apprendre le khair et apprendre le sunnah, tu as fait toute cette fitna, wallah musta'an. C'est la réalité de la chose. Hein. Très bien. Cheikh Fawzan, on a lu la parole de Cheikh Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Et après, on a lu la parole du Cheikh Al-Uthaymin, masha'Allah. Hein, il a dit, punir l'obéissant n'est pas une bonne chose. Hein, donc, cette explication ne convient pas comme argument à ce qui précède. Les Hajawira, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, hein? Ils veulent sortir leur Cheikh de cette impasse. Ils ont essayé de lui trouver une issue. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené une parole de leur Cheikh dans son explication du Sefer Iniya quand il dit... Ah, qu'est-ce qu'il a dit le Hajouri? Il a dit فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَزَّهَ نَفْسَهُ أَنْ يُعَذِّبَ مَنْ لَا يَسْتَحِقُ الْعَذَابُ وَالْأَدِلَّ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرًا. Allah est transcendant. Allah subhanahu wa ta'ala est transcendant. C'est une parole de vérité. Allah subhanahu wa ta'ala est sublime et transcendant. مُنَزَّهُنْ عَنِ الشَّارِ يعني أنه يظلم مُنَزَّهُ عَنْ أَنْ يَظْلِمَ النَّاسِ. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك أن الشر يؤول إلى خير. D'accord. Allah est sublime. Munazzah. Traduction de la parole de l'Hajouri. Allah est sublime. Il ne punit pas celui qui ne mérite pas le châtiment. Il a dit cela pour sortir. Il ne punit pas celui qui ne mérite pas le châtiment et les preuves sur cela sont nombreuses. D'accord. Cheikh Arafat précise que celui qui veut trouver une issue à Al-Hajouri dans cela est un ignorant, d'accord, qui ne connaît pas précisément la divergence entre les gens de la Sunna, hein, et les Asha'ira sur, hein, sur ce plan. D'accord. Parce qu'il convient de connaître quel est Moutin Niza'. Hein? Moutin Niza' annahum qalu jaza. جازا موطن النزاع هو ذاك جازا احنا ناخذهم بكلامهم زون دي جازا للمولى يعذب الورى موطن النزاع كما لا غلوفي الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال انه موطن النزاع في الجواز ليس في الوقوع كما اون فالير ها دونك لا الشيخ عرفات الى دي سولوي كي فو تروفي اون ايسو الحجوري بار سولا ها داكور il ignore la divergence précise qui est entre les gens de la Sunna et les Asha'ira, hein, sur ce plan. Les Asha'ira aussi concluent comme avait conclu Hajouri. Les Asha'ira aussi, ils disent, mais finalement, Allah ne va pas faire. La yukhi'u hadha. Allah ne va pas faire cela. Et le Hajouri, il a dit cela. C'est ce qu'on vient de lire. D'accord? C'est ce qu'on vient de lire de Allah subhanahu wa ta'ala nazzaha nafsahu an yu'adhib man la yastahiq al-'adhab. D'accord? الشيخ حفظه الله il a dit les Asha'ira aussi concluent comme avait fait le Hajouri en disant mais Allah le sublime ne punit pas effectivement quiconque ne mérite pas la punition, hein? Cependant la divergence réside dans At-Tajwiz, hein? Non pas dans Al-Wuqu'. La divergence entre les gens de la Sunna et les gens de l'Bid'a, ces Asha'ira, c'est qu'ils ont rendu cela possible, Non pas que donc dans le wuqu', que eux finalement ils viennent dire non, mais cela n'arrive pas. Hein? La divergence entre les gens de la sunna et les gens de l'bid'a, et le Hajjouri a soutenu leur parole ici. Hein? La divergence réside dans at-tajwiz, la permission de la chose. Ils ont rendu cela possible, ils ont dit jaza. Hein? C'est là où réside la divergence, non pas dans le wuqu'. Hein? Oui, on sait que vous dites ça finalement, mais il ne va pas faire. D'accord, hein, avait dit le cheikh. Et il a étayé sa parole par une parole de cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. D'accord, cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, mada qal, hein, fi minhaj sunna nabawiyya, al-mujallad al-rabi', hein, le volume numéro 4, la page 90. Il a dit, fa'inna niza'ahum fil jawazi la fil wuqu'. Hein, yunazi'un fin kay yunazi'u ahl sunna. تنازعهم في الجواز السنة قال لهم هذاك الجواز خطأ هذاك الجواز اللي قلته تقولتموه على الله سبحانه وتعالى داكوغ والحجور يمرر هذا ويقول وأحسن منه داكوغ سي دير كو سي بون ها داكوغ بور لوي كو سي اون بون شوز والله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله فإن نزاعهم في الجواز لا في الوقوع ها تخاديكسيون Ils disputent, c'est-à-dire les gens de l'bid'a, les ash'aristes, ils disputent dans la permission, non pas dans l'accomplissement. D'accord? Sinon, fin de la citation du Cheikh Islam. Sinon, que signifie la parole de Al-Hajouri wa Ahsanu Minhu? Qawlu Tahawi, etc. etc. lorsqu'il a dit cela. Madame Anahada, est meilleur. Et est meilleure la parole de Tahawi. C'est-à-dire que cela est bon, déjà. Et après le bon, il y a le meilleur. Hein, si Al-Hajouri était conscient de la différence, hein, il n'aurait pas donc dit que c'est bon. Hein? S'il était conscient de la différence qu'il y a entre les gens de la Sunna et les gens de la Bid'a qui sont les Ash'arites ici sur ce plan, il n'aurait pas dit, il n'aurait pas agréé ce vers et passé à apporter la parole de Al-Tahawi. Rahimahullah Al-Tahawi. Entre les gens de la Sunna et les Ash'a'ira sur ce plan, il y a la divergence, comme on a dit, qu'ils ont rendu cela possible. Hein? Ils devaient dire dès le départ que ce vers est batil, non pas hasan, non pas bon. Ils devaient dire dès le départ que ce vers il est batil. Hada yamshi ala majra al-Ash'a'ira. Wallahu waliyu tawfiq. Et on va nous arrêter ici, on va reprendre, inshallah, dans le cours suivant avec le septième fondement reproché. الحجوري وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك